Troisième partie, chapitre 27 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 27. De l'humilité des paroles et du respect que l'on doit aux personnes. Si quelqu'un ne pèche point en parole, il est un homme parfait, nous dit Saint Jacques. Gardez-vous soigneusement qu'il ne vous échappe aucune parole malhonnête, car, quoiqu'elle ne partît pas d'une mauvaise intention, cependant ceux qui l'entendraient la pourraient prendre d'une autre manière. Une parole malhonnête tombant dans un cœur faible s'étend comme une goutte d'huile, et quelquefois elle occupe tellement ce cœur qu'elle le remplit de mille pensées et tentations fort sensuelles. C'est le poison du cœur que l'on y fait couler par l'oreille, et la langue qui en est l'instrument est coupable de tout le mal que le cœur en peut souffrir, parce qu'encore qu'il s'y trouve peut-être d'assez bonnes dispositions pour lui servir d'un contrepoison salutaire, il serait toujours vrai de dire qu'il n'aurait pas tenu à vous que vous n'eussiez fait périr cette âme. Qu'on ne dise pas « je n'y ai point fait attention », d'autant que notre Seigneur qui connaît les pensées nous a dit « que la bouche parle de l'abondance du cœur ». Et quand on n'y penserait pas de mal, le malin esprit y en pense beaucoup et se sert toujours secrètement de ces méchantes paroles pour en faire entrer le sentiment dans le cœur de quelques personnes. L'on dit que ceux qui ont mangé de la racine qu'on appelle angélique ont toujours la laine douce et agréable, et ceux qui ont bien dans le cœur l'amour de la chasteté, par laquelle on devient des anges sur la terre, n'ont jamais que des paroles chastes, honnêtes et respectueuses. Pour ce qui est de tout ce qui porte quelque indécence et malhonnêteté, l'apôtre ne veut pas même en souffrir le nom dans nos entretiens, nous assurant que rien ne corrompt davantage les bonnes mœurs que les mauvais discours. Si l'on parle malhonnêtement en mots couverts et de ces manières tournées par une méchante subtilité d'esprit, le poison que portent ces paroles n'en sera aussi que plus subtil et plus pénétrant, car elles sont semblables aux dards qui sont plus à craindre quand ils sont d'une trempe plus fine et qu'ils ont la pointe plus aiguisée. En vérité, celui qui pense mériter le nom et l'estime de galant homme par de telles paroles ignore bien la fin de la conversation. Et ne peut-on pas comparer les compagnies où elles sont bien reçues à un amas de guêpes attachées à quelques pourritures, comme l'on doit comparer une société honnête en tous ses discours à un essaim d'abeilles qui travaille à faire un miel exquis? Si donc un étourdi vous dit des paroles méséantes, témoignez qu'elles vous déplaisent, soit en vous détournant pour parler à quelqu'un, soit d'une autre manière que votre prudence vous suggérera. C'est une fort mauvaise qualité que celle d'avoir l'esprit moqueur. Dieu est extrêmement ce vice et l'a puni autrefois, souvent et fort sévèrement. Rien n'est si contraire à la charité et beaucoup plus à la dévotion que le mépris du prochain. Or, la dérision porte essentiellement ce mépris. Elle est donc un très grand péché et les docteurs ont raison de dire que de toutes les manières d'offenser le prochain par les paroles, celle-ci est la plus mauvaise parce qu'elle porte toujours du mépris, au lieu que l'estime peut subsister avec les autres. Mais à l'égard de ces jeux de paroles et d'esprit, qui se font entre d'honnêtes gens avec une certaine gaieté, laquelle ne blesse ni la charité ni la modestie, ils appartiennent à la vertu que les Grecs nomment eutrapélie et que nous pouvons appeler l'art de converser agréablement. Et ils servent à réjouir l'esprit en ces petites occasions que les imperfections humaines des uns et des autres fournissent au divertissement. Mais l'on doit prendre garde de ne pas laisser aller cette honnête gaieté d'humeur jusqu'à la moquerie, parce que la dérision provoque à rire du prochain par mépris au lieu que la douce et fine raillerie ne provoque à rire que par l'enjouement et la gentillesse de quelques paroles que la liberté, la confiance et la familiarité de la conversation font dire avec franchise et recevoir avec douceur et avec sûreté entière que personne ne s'en plaindra. Quand les religieux que Saint Louis avait à sa cour voulaient entamer un discours sérieux et relevé après son dîner, il leur disait « Ce n'est pas ici le temps de raisonner, mais de se divertir de quelques bons mots, ainsi que chacun dise librement et honnêtement ce qu'il voudra. » Et il voulait en cela faire plaisir à sa noblesse qui était autour de lui, pour recevoir des marques plus familières de la bonté de sa majesté. Mais, Philothée, passons le temps qu'on doit donner à une douce récréation, de manière que la dévotion nous assure toujours de la sainte éternité. Fin du chapitre 27, troisième partie.